bonjour. Il y a des choses qui ont donc bien l'air difficiles à saisir. Pourtant, c'est là dans notre face, puis c'est très, très clair. Prenez des bateaux de pêche. Il y en a qui traînent des filets de pêche. Bon, il va y avoir un premier filet qui a des grandes mailles, qui va attraper certains gros poissons. Les poissons plus petits qui passent à travers, il y a un autre filet plus loin qui les ramasse, qui a des mailles plus petites, puis ainsi de suite. Le bateau, si vous voulez, puis le premier filet, c'est le narratif officiel, puis les autres qui suivent, c'est tous des petits narratifs alternatifs qui ont été mis en place par des agentures, tant qu'à moi. Pourquoi? Parce que c'est bien trop bien fait. C'est bien trop bien fait. Tellement, je veux dire, c'est incroyable de se faire avoir à ce point-là. On va jaser. On va jaser de ça. Dans le sens que, prenez par exemple des cages à homards, de la façon que c'est fait. Vous pensez que vous grimpez, puis à un moment donné, pouf, vous tombez dedans. Ça, c'est des idiots utiles, tant qu'à moi. Si j'ai, tu sais, je veux dire, au niveau du fait que je me considère comme quelqu'un qui est pas banal, j'ai essayé de pas, ça aurait été une mauvaise idée de me mettre de l'avant, puis parce que ça aurait nuit. Parce que c'est une guerre d'image, tout est image, tout est guerre d'image. Donc, quand il y a des affaires comme, je le sais-tu, moi, l'affaire qu'il y a eu sur les drag queens, puis le monde se mobilisait sur les drag queens, moi, mes yeux, je l'ai dit, ça, c'est une sorte de diversion. C'est une sorte de diversion. D'ailleurs, là, elle sert plus, puis là, ils rentrent en austérité, ils sont en train de tout couper les budgets que vous vouliez qu'ils coupent, dans le fond. Puis, ils n'auront plus l'argent, là, pour ça. Ça va être d'autres choses. D'autres affaires alternatives que le monde vont militer parce qu'ils ont peur, puis ils ont peur, puis là, dans le fond, des complotistes, des vrais complotistes, c'est-à-dire, on n'est pas loin d'affaires des fois que, bon, il y a des peurs paniques qui sont programmées, tant qu'à moi. Puis, il y a du monde qui, c'est des militants, et ils vont militer pour des affaires que, finalement, ça ne sert à rien. Je veux dire, prenez la 5G. Ça sert à rien d'aller devant des conseils municipaux, surtout si vous avez une apparence que, je veux dire, allez pas devant des affaires officielles donner de la crédibilité à Patrick Lagacé, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je veux dire, pensez-vous qu'ils sont pas contents? Ceux que vous pensez que vous combattez quand ils voient ça. On dit, regarde, le complotiste est denté. Il est en train de discréditer complètement ce qu'il dit qu'il défend. Ça, c'est peut-être, je veux dire, peut-être que dans les grands centres, vous vous en rendez pas compte, mais je sais que du fin fond des régions, quand on regarde ça, nous autres, ce qu'on voit, moi en tout cas, de la façon que je vois ça, il reste que je me rends compte que je vis dans un autre pays. Ma région, c'est un autre pays, c'est une autre planète avec sa mentalité. Parce que du monde de même qui viendrait dans la ville où je vis, il trouverait même pas un loyer décent, il serait pas capable. Je veux dire, 90% des loyers appartiennent aux mêmes 4-5 propriétaires. Puis eux autres, là, ils vont pas faire d'enquête de crédit, ils vont juste regarder de la tête aux pieds, ils vont dire « j'ai rien de disponible ». Mais tu peux me donner ton numéro, si j'ai quelque chose, je vais t'appeler. Là, vous allez recevoir un téléphone à un moment donné, puis vous allez vous faire dire « ouais, j'ai un demi-sous-sol, là, qu'il y avait 3 colocataires, mais l'un est parti, puis les deux autres, ils arrivent plus, là, si tu veux être chambreur là, là, il y a une place ». C'est ça que vous allez trouver juste sur votre apparence. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un petit milieu. Puis ça se joue, c'est très, très, très important. Il n'y a pas de mots pour dire comment c'est important. C'est de valeur à dire, mais c'est comme ça ici. Puis moi, quand je regarde ce qui se passe dans un grand centre, c'est avec mon regard de mon pays. C'est avec les yeux de mon pays. Puis dans le fond, là, parce qu'ici, comment je pourrais dire ça? Ceux qui mènent, comme même les criminels de ma région, sont très, très, très respectés. Tout le monde les aime. Puis, c'est pas moi qui vais parler en mal d'eux autres, jamais. Parce que c'est grâce à eux autres que les marchés parallèles, il n'y a jamais eu de clic de l'extérieur des grands centres qui est venu prendre le contrôle, ici. Puis ça a préservé la paix. Parce que, je veux dire, tout le monde se connaît. Les paquets de troubles, on les connaît. Ça prend une clique pour gérer ça. Faut être autoritaire, là. Puis c'est pareil dans tout. Puis c'est comme ça dans tout. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est, est-ce que vous vous rendez compte que vous nuisez aux causes que vous voulez défendre si vous portez pas attention, justement, aux aspects psychologiques, puis liés à l'interprétation de, ben, par exemple, le langage corporel, votre apparence, ainsi de suite. Moi, je trouve toujours ça spécial, quelqu'un qui va me dire, tu sais pas à qui t'as affaire, puis tout. Hey, moi, je suis personne, OK? Je suis personne, mais c'est déjà mieux que quelqu'un qui est personne, qui se pense quelqu'un, puis qui est un idiot utile, puis qui nuit à ce qu'il pense qu'aide. C'est, je veux dire, c'est dur de faire pire que ça, là. J'avais tellement ri quand j'avais vu une vidéo de Marquis, il disait à Gloriane Blais, t'es qui, toi? T'es personne. Calme-toi, va te cacher. Je l'avais trouvé pas pire parce que oui, elle la nuit, mais c'est dur, il y a pire qu'elle, là. Je veux dire, elle apparaît bien. Il apparaît, tu sais, je veux dire, ça a l'air pas si pire, là, à côté d'autres affaires. Au fond, c'est pas difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Je veux dire, c'est-tu si cher que ça, une petite mèche de titane, puis un peu de porcelaine? Hein? Ça vaut la peine? À un moment donné, là.